m'a dit que des oui pouvaient dire non à force de solitude et d'ennui, la béatitude nuit. On ne vous a pas dit, ne soyez pas trop gentil par politesse ou par paresse, fuis le respect d'autrui. On ne vous a pas dit, la tente sert la foi et l'église à la fois, que la patience est une science asservie au pouvoir, que vous ne faites pas le poids. On ne vous a pas dit, vous n'êtes pas fait pour réussir, mais tout le monde attend de voir les portes s'ouvrir. On ne vous a pas dit, l'espoir fait vivre les cons, ce que la société cautionne, ce qu'elle conditionne. On ne vous a pas dit que l'on apprenait aux dépens des autres, aux dépens de soi-même, que cela dépendait encore d'être bien ou mal. On ne vous a pas dit qu'en vous protégeant de la vie, un jour l'amour vous ferait peur parce qu'il y a la haine aussi. Qu'on vous reprocherait de ne rien dire, qu'on vous reprocherait sûrement d'avoir trop parlé. On ne vous a pas dit, c'est la jalousie qui transpire lorsque le sourire ne suffit plus à fuir la méchanceté des rires. On ne vous a pas dit, ce que vous faites avec les uns, c'est pour vous-même, car le plaisir des autres n'est jamais le même. On ne vous l'a pas dit. On ne vous l'a pas dit. On ne vous l'a pas dit. On ne vous l'a pas dit.